بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 52 بعد المياه 152 leçon. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في سورة السادس والسبعين وسبعين وثلاثمائة وألف 1376 question. ما هي أدار فتنتي تركها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال؟ Quelle est la plus grande tentation que le prophète صلى الله عليه وسلم a laissé pour les hommes? Il s'agit de celle des femmes, comme cela est connu dans le hadith d'Ousama ibn Zayd, un des nabis صلى الله عليه وسلم, ما ذلك تبعد فتنة أدار على الرجال من النساء متفقون عليه. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, je n'ai pas laissé après moi, c'est-à-dire après ma mort, de tentation plus grande pour les hommes que celle de la femme. Tentation de la femme. D'où le fait que la femme soit couverte et que lorsqu'elle sorte, elle est même à la base de sortir, elle ne se parfume pas, elle ne fait pas preuve de complaisance dans sa voix, ni dans son marché, d'accord ? Et on baisse le regard. Tout cela, c'est pour préserver de cette tentation qui est immense. Et malgré cela, dans sa miséricorde, Allah Azza wa Jalla nous a permis de pouvoir nous marier et à l'homme de pouvoir avoir 4 femmes. S'il en a la possibilité, s'il a la capacité d'être juste envers les 4 et qu'il a la capacité matérielle de pouvoir assumer cela. ثم قال في السؤال 1378 question. لكل أمة فتنة فما هي فتنة هذه الأمة؟ Que chaque communauté a une tentation. Quelle est maintenant la tentation de cette communauté de façon générale? Là, ce n'est plus les hommes. Là, c'est tout le monde, les hommes et les femmes. Et voire même les petits. Quelle est cette fitna? C'est celle de l'argent. Comme dans le hadith de Kab ibn Iyad, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواه الترمذي. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que chaque communauté a une fitna, une tentation. Et celle de ma communauté, c'est celle de l'argent. Et celle de l'argent. Et c'est une chose qui est constatée, que pour la cause de l'argent, les musulmans tombent dans les désobéissances pour avoir ce qu'ils prétendent être, ce qu'ils s'imaginent être leur être légitime. Ils veulent des choses et se les croient comme étant légitimes et pour cela sont prêts à désobéir à Allah pour les obtenir. C'est-à-dire avoir de l'argent pour le travail, d'accord, pour le confort et pour différentes choses dans la vie. Les gens, malheureusement, désobéissent à leur Seigneur pour une partie de cette dunya en omettant, négligeant la grande part qu'ils attendent au-delà s'ils sont droits. وَلِعَذُ بِاللَّهِ نَسَلَّا تَوْفِيقُ. Donc l'argent est vraiment une fitna. Et la femme pour les hommes. فَقَالَ فِي سُوَلْ 1380 question. هل خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي الفقر؟ Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a craint pour sa famille, pour sa communauté, la pauvreté? Est-ce que c'est cela qu'il craignait pour nous? On dit non. Mais c'était bien le contraire qu'il craignait pour nous, c'est que la dunya ne s'étale devant nous, c'est-à-dire les richesses. Car on l'expliquait auparavant que cet argent est une tentation pour la Ummah. Comme dans le hadith de Amr ibn Auf al-Ansari. Anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن يخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما تبسط على من قبلكم فتتنافسوا كما تنافسوا فيها وتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه. Il a dit par Allah, je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains pour vous justement que la dunya, cette vie mondaine, ne s'étale devant vous, c'est-à-dire que vous atteignez des richesses immenses, comme cela est arrivé pour les gens d'avant vous, pour lesquels ils se sont concurrencés pour avoir justement cette part de dunya, cette richesse, et qu'elle les a détruits, qu'elle vous détruise comme elle les a détruites eux-mêmes auparavant. Et regardez bien aujourd'hui, comme on le constate, les pays où dans lesquels il y a beaucoup de richesses, ce sont les pays dans lesquels il y a plus de mal. Ce sont les pays dans lesquels il y a plus de mal de façon générale, où la perversité se propage de plus en plus, où les gens sont le plus hautains. C'est une réalité. D'accord, c'est une réalité. On voit par exemple ici au Yémen, où Allah, c'est un pays qui est pauvre. Cette pauvreté, c'est une protection pour eux. Que les ministres s'en rendent compte ou pas, on le voit. Les peuples qui ont commencé à avoir des pays qui se développent, on les voit, ont beaucoup moins d'istikama que ce pays-là. Cette pauvreté est une préservation d'Allah Azza wa Jalla pour eux. Cependant, la plupart des gens ne le savent pas et cherchent autre chose que cela. Et lorsque le pays se développe et se modernise, on voit des choses qui apparaissent, qui n'étaient pas là auparavant et qui font du mal, du façade et du char qui se propagent dans le pays. Wal'iyadhu billah. ثم قال في السؤال 1384 question. كيف حال الدنيا بالنسبة للمؤمن والكافر. Maintenant, comment est comparable cette dunya par rapport aux croyants et par rapport aux mécréants? Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Rawi Muslim. Qu'il est dit que la dunya, c'est la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant. C'est la dunya du croyant et le paradis du mécréant. Pourquoi? Car le croyant, dans ce bas monde, est privé de beaucoup de choses. Qu'il ne fait pas, pourquoi? Pour son Seigneur. Il est grandement éprouvé, contrairement au mécréant qui, lui, se permet tout ce qu'il veut. Donc cela, pour lui, regardez bien comment les mécréants sont par rapport à la mort, par rapport aux musulmans, ils ont peur, ils ne veulent pas mourir. De façon absolue. Le croyant, lui, a peur de la mort par rapport au passage. Mais il sait ce qu'il attend par la suite, si jamais il était droit. Donc quelque part, il est prêt à affronter la mort pour son Seigneur. Car lui veut quitter ce bas monde au bout d'un moment. Cela devient une chose qui est pénible pour lui de vivre avec toutes les épreuves qu'il y a. Bien que son cœur est apaisé par la foi. Et le croyant, lui, pour lui, mourir, c'est l'échec. C'est la fin de tout. Et justement, il y a une histoire qui a été rapportée par rapport à Al-Hafiz, il me semble, qu'un juif qui était pauvre, alors que lui était riche, est venu le voir en lui disant « Comment ? Vous dites que ce bas monde est une prison pour le croyant, c'est-à-dire pour vous, et un paradis pour le mécréant, c'est-à-dire comme moi. Alors que moi, je suis pauvre, dans la misère, je n'ai rien pour vivre, et toi, je te vois, tu es un croyant, d'après ta vision des choses, tu es à l'aise, tu es bien. » Il lui a répondu « Non, c'est une prison par rapport à ce qui nous attend dans l'au-delà. Le paradis qui attend le croyant, cette dunya est une prison. Car on nous attend beaucoup mieux que cela. Alors que vous, cette dunya est un paradis pour vous par rapport à ce qui vous attend après la mort. Car après la mort, vous, c'est l'enfer éternel, un châtiment douloureux et continu. Et de là, lorsque ce juif entend cette parole-là, il s'est soumis à Allah Azza wa Jalla et entre en islam. Voilà. Allahu Akbar. C'est l'histoire qui est vraie. Et il me semble que c'est le Hafiz ibn Hajar ou je ne sais qui. C'était l'un des imams parmi les gens de vers le 7e siècle ou par là. Est-ce qu'en Égypte? Donc il me semble que c'est lui. Wallahu ta'ala alam. Summa qala fi as-su'al al-khamis wa 80 wa 300 wa 1385e question. Man wa as-sahabi al-jadil ar-rawi li hadith da' ma yaribuk il est ma la yaribuk. Qui le dit? Quel est ce 1385e question? Quel est ce grand, c'est-à-dire ce magnifique sahabi qui est le rapporteur du hadith, délaisse ce qui te fait douter pour ce dont tu es sûr. Il s'agit de Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhuma, le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a rapporté ce hadith-là, qui est une règle immense, car souvent les gens se trouvent dans des situations de doute, ils ne savent pas comment agir. Est-ce que cela est permis? Est-ce que cela est autorisé? Est-ce que cela est interdit? Je ne sais pas. On dit à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu doutes? Délaisse. Et questionne par la suite. Délaisse. D'accord? Délaisse. Car le délaissement sur une chose, là, ça part d'une chose que tu ne connais pas. Cela, t'est meilleur que d'accomplir une chose, que de l'accomplir, de tomber dans l'interdit par la suite. Délaisse. Tu n'auras pas de péché quand tu as été ignorant de ne pas savoir si c'est une obligation à faire ou quoi. Délaisse. Et après, tu demandes. Ou tu doutes, tu n'as pas de fatwa, tu n'as pas de savant à possibilité pour interroger pour une chose qui te perturbe, sur laquelle tu doutes, délaisse. ثم قال في السؤال السابع والثمانين والثلاثمائة والألف 1387 question. من هو أول من جاء بالمصاحفة أو مصافحة. Qui sont les premiers à avoir apporté la poignée de main, le fait de concert à main, le fait de se serrer la main entre hommes, aujourd'hui en islam ou entre femmes également, ou entre maharim. Ce sont les gens du Yémen, les premiers à avoir porté cette tradition. Comme dans le hadith de Anas ibn Malik, قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود. Qui le dit, Nabi صلى الله عليه وسلم, vous sont venus les gens du Yémen et ils sont les premiers à avoir apporté la poignée de main, qu'on se serre la main. Donc de là on voit que justement après cela les compagnons se sont serrés la main. Ils sont serrés la main. Comment ils le faisaient avant que ne viennent les gens du Yémen? Je ne sais pas. Je n'ai pas de délai par rapport à ça. ثم قال في السؤال التاسع والثمانين والثلاثمية والف 1389e question. ما هو فضل المصافحة. Maintenant, quel est le mérite de se serrer la main? Lorsqu'on se serre la main, d'accord, cela enlève les péchés qui ont été accomplis avant que l'on se sépare. عبد الحديث البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. Il a dit qu'il n'y a pas de deux musulmans qui se rencontrent et qui ne se serrent la main sans que cela ne leur cause le pardon de leur péché avant qu'ils ne se séparent. Apporté par Abu Daoud. Et aussi également un hadith qui dit que ces péchés, les péchés, ils tombent lorsque les mains se serrent. Les péchés, ils tombent. Et savoir une chose, la sunna, c'est de se serrer la main et de ne pas de secouer la main. Notre cher Yahya al-Hajjouli dit que le fait de serrer la main comme les gens le font, de haut en bas, d'accord, cela, le tahriq, cela n'est pas la musafaha sur laquelle étaient les sahaba. Eux, c'est juste ils se serraient la main. Une main dans une main, ils se serraient et c'est tout. Il n'y a pas de mouvement. Ça, c'est une chose qui est nouvelle et il dit que cela fait partie, cela est venu parmi les choses qui viennent des mécréants. Le mouvement, lorsque l'on serre la main. ثم قال في السؤال الثالث والتسعين وثلاثمائة وألف 1383 question. ما أحب الأسماء إلى الله. Quels sont les noms préférés auprès d'Allah? Les prénoms que l'on donne à la créature, c'est-à-dire aux hommes ou aux femmes. Il s'agit des noms comme Abdullah, Abdurrahman, c'est-à-dire tous les noms en ta'bid, où il y a le mot Abd, et ensuite l'un des noms d'Allah, Azzawajal. Et le ta'bid pour tout Allah n'est pas permis. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأسماء أحب أسماءكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. Apporté par un musulman. Que les noms les plus aimés auprès d'Allah, les prénoms les plus aimés auprès d'Allah, ils sont Abdullah et Abdurrahman. Et on peut y ajouter, comme on l'a dit, Abdul Malik, Abdul Hakim, tamam, Abdul Alim, Abdul Ghafour, Abdul Nour, tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Et de là, Tambih, dont on avait déjà fait un article sur le site, ce sont les gens qui font un diminutif, ils s'appellent Abdel ou Abdul. Cela n'a aucun sens. Et cela n'a aucun sens, un diminutif qui en arabe, c'est comme si on disait serviteur de. Donc il n'y a plus de ta'bid pour Allah Azza wa Jal. Le côté d'adoration est perdu. Et notre cheikh Abdul Hamid a dit que c'est une nomination qui n'est pas permise. Tu t'appelles Abdullah, tu dis complètement, tu ne diminues pas. Cela est permis pour certains noms de diminuer. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelait Aïcha, Aïch. Il enlevait le thème arbota. Il ne disait pas Aïcha, parfois, pas tout le temps, il appelait Aïch. Quelqu'un s'appelle Mohamed, tu l'appelles Moham. C'est permis tout cela, il y a des règles en langue arabe. Mais dans les noms de ta'bid comme celui-ci, cela n'est pas permis. Tu dis le nom complet. D'accord ? Par contre, le nom tout seul, Abdou, sans le L derrière, ça c'est autre chose. Mais Abdul, d'accord ? Le L qui vient derrière, ça reviendrait à une partie qui revient au nom d'Allah. Par exemple, tu dis Abdul Hakim, Al-Hakim c'est le sage, parfaitement sage. Le L qui est devant Al-Hakim, ça revient à dire le parfaitement sage. Car le mot Hakim peut être attribué autre que Allah. Mais si on dit Al-Hakim avec le L, ça revient que Allah seul. Donc le L fait partie de son nom à lui. Donc lorsque l'on dit Abdel avec le L qui vient dedans, cela mène à couper. Et cela n'est pas bon. Ce diminutif n'est pas bon. Non. Enfin, on a qu'il faut un lium, on a qu'il faut un lium, on a qu'il faut un lium, on a qu'il faut un lium.